السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، mes très chers frères, parmi les adorations ayant le plus d'importance en islam, les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, celles qui ont été très souvent appliquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseignées et auxquelles très souvent nous avons été invités, il y a l'adoration de Ad-Dua, Dua Allahi tabaraka wa ta'ala, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de se diriger vers lui pour tous nos besoins, que ce soit de ce bas monde ou l'au-delà, que ce soit à la recherche d'une utilité ou la préservation d'un mal redouté. Ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a, c'est ça l'adoration. Et très nombreux sont les versets mentionnant ce sujet, tout comme les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-du'a a un lien direct avec le mois de Ramadan. Ad-du'a un lien direct avec le mois de Ramadan. C'est pour cela que celui qui médite les versets relatifs à Ramadan verra qu'on a mentionné Ad-du'a. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, vous qui avez cru, on vous a enjoint le jeûne, on vous a prescrit le jeûne, tout comme on l'avait prescrit aux gens avant vous. Aux gens avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ça, c'est le verset 182, 183 plutôt. Ayyam ma'doudat, des jours déterminés. Plus loin, au verset 185-186 plutôt, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Puis on revient sur des versets relatifs au jeûne. Donc ad-du'a a toute son importance. Ibn Ashura rahimahullah ta'ala nous mentionne le secret de la mention de ce verset au sein des versets du jeûne, c'est que Ramadan et As-Siyam sont des moments et des états propices à l'acceptation de Dua, à l'acceptation de Ad-Dua. Ceci étant dit, Ad-Dua est donc la plus grande des adorations. C'est le lien solide entre le serviteur et son seigneur. C'est plutôt la manifestation de la servitude, de la soumission, de la reconnaissance de l'omnipotence d'Allah, de sa générosité, de sa richesse, de sa puissance, de sa science, de sa pitié, de sa miséricorde, de son indulgence, de sa bonté. Dans le dua, réellement se réunissent ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, أَمَّا يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Dans Surat al-Naml, qui répond à celui qui est dans la difficulté lorsqu'il invoque et qui dissipe le mal? La réponse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vers lui qu'on se dirige dans nos difficultés et dans l'affliction. Dans Surat al-Isra, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا. Même les associateurs, dans la difficulté se dirige exclusivement vers Allah Azza wa Jal. Lorsque vous êtes sur la mer et que le mal vous touche, vous délaissez tout ce que vous invoquez si ce n'est Allah. Dans Sourate Ghafir, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront en enfer humiliés. Ad-du'a est une adoration. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Et dans ce verset, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration, ici on a nommé l'invocation adoration. Donc c'est la première chose à savoir. L'invocation est une adoration. À partir du moment où tu reconnais que c'est une adoration, tu dois vouer cette adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Seul sans associé. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-A'raf, ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. Allah Azza wa Jal nous éduque sur l'adoration. Invoquez votre Seigneur. Invoquez votre Seigneur. تضرعا وخفيا, avec humilité, sans élever la voix. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. On doit invoquer Allah sincèrement. Se diriger vers lui exclusivement. Tabaraka wa ta'ala. Tadarru'an ay mutadhallilin. Yani humilié, rabaissé. Khufiya khashi'atan il-quloub. Avec les cœurs humiliés. Avec certitude, sans élever la voix, sans élever la voix. Ad-du'a est la voix des prophètes. Tous adoraient Allah Azza wa Jal par cette adoration. Allah Azza wa Jal nous mentionne les invocations d'Ibrahim alayhi salam dans la sourate de son nom. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Plus loin, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رَبَّنَا غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. Ô mon Seigneur, j'ai mis ma descendance dans cette vallée où il n'y a ni culture, où il n'y a pas de culture, auprès de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais en sorte que les cœurs, que le cœur de certaines personnes se dirige vers eux et accorde-leur leur subsistance afin qu'ils soient reconnaissants. Plus loin, ô mon Seigneur, fais en sorte que j'accomplisse la prière, moi ainsi que ma descendance. Ô notre Seigneur, accepte nos invocations. Notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents ainsi qu'aux croyants le jour des comptes. Nous avons également les invocations de Nuh alayhi salam dans Suratul Anbiya. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Et lorsque Nuh invoqua auparavant, nous l'exaucâmes et le sauvâmes, lui ainsi que ses proches, de l'énorme affliction. Quant à Moussa عليه السلام dans Surat Taha, قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jusqu'à la fin des versets. Ô Allah, élargis ma poitrine, facilite mon affaire, dénoue les nœuds de ma langue, afin qu'ils comprennent ma parole. Et donne-moi un assistant parmi ma famille, mon frère Haroun, jusqu'à la fin des versets. On a beaucoup d'invocations de Moussa alayhi salam. On a l'invocation de Ayyub dans Sourate Al-Anbiya. Wa Ayyuba idnada rabbah amni massani adur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lah fakashafna ma bi min dur wa ataynahu ahlan wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Et Ayyub, lorsqu'il invoqua son Seigneur, le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux. Nous l'exaucâmes et le délivrâmes du mal qui le touchait. Nous lui rendîmes sa famille et pareillement avec eux une faveur de notre part et un rappel pour les adorateurs. Quant à Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiya, il invoqua son Seigneur sans élever la voix. Zakaria invoquait Allah Azza wa Jal en montrant son état. Il a demandé à Allah Azza wa Jal, fahabri min ladun kawaliya, il a yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, waj'alhu rabbi radiya. Il a demandé à Allah une descendance. Il a demandé à Allah Azza wa Jal une descendance qui aura l'héritage de la science. Allah Azza wa Jal lui a annoncé la bonne nouvelle. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiya. Il lui accorda Yahya et il en fit un prophète. Quant à Isa alayhi salam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de faire descendre une table. Quant à Ya'qub, dans la grande affliction qu'il a touchée de la perte de son fils Yusuf alayhi salam, puis Benyamin, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. Il a invoqué Allah Azza wa Jal qui lui rendit par la suite ses enfants après l'avoir longuement éprouvé. إِنَّهُ وَاللَّطِيفُ إِنَّهُ هُوَ اللَّطِيفُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. On a les invocations de Yusuf alayhi salam pour qu'Allah Azza wa Jal le préserve du stratagème de l'épouse de l'Aziz et des autres. Allah Azza wa Jal l'a exaucé. On a les invocations de Yunus alayhi salam dans Sourate Al-Anbiya. وَذَنُّنِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. On a les invocations de Suleyman, le fils de Daoud alayhi salam. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. Suleyman alayhi salam a demandé le pardon d'Allah Azza wa Jal et de lui faire don d'une royauté que personne n'aura après lui. Allah Azza wa Jal lui a donné la gestion du vent, où lui a sujetti le vent, les djinns. Il avait le langage des animaux. Allah Azza wa Jal lui a donné de ses grâces et de ses faveurs. Allah a sauvé Yunus alayhi salam des ténèbres, de la nuit, de la mer et du ventre de la baleine. Na'am. Allah nous mentionne les du'as de ceux qui ont suivi les croyants avec excellence. Et parmi les grands points et les grands mérites de dua, le fait donc que ce soit la sunna de tous les prophètes. Ceci étant dit, passons maintenant à l'énumération, à la mention de fadlu dua, de certains mérites, des invocations qu'on trouve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, c'est la chose la plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Tirmidhi nous mentionne le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa shayun akrama ala Allahi min ad-du'a. » Il n'y a rien de plus noble chez Allah que l'invocation. Allahu Akbar. Le croyant qui entend cela ne peut rester insensible. Et ça le pousse à faire du'a pour entrer dans cette noblesse-là. A l'inverse, celui qui ne demande pas à Allah, le prophète nous enseigne que ça amène sa colère. Donc avec l'invocation d'Allah, ça amène son agrément. L'imam al-Tirmidhi toujours, selon Abu Huraira toujours, le prophète alayhi salatu wassalam dit Men lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Al-Mubarak Furi, rahimahullah ta'ala, dans l'explication du hadith, nous dit: لأن ترك السؤال تكبر واستغناء وهذا لا يجوز للعبد. Le secret de cette chose-là est que le délaissement de la demande est de l'orgueil et de la suffisance, et ceci n'est pas permis au serviteur. Le poète nous dit: Allah يغضب إن تركت سؤله ويغضب أو plutôt وبني آدم حين يسأل يغضب. Parmi les grands mérites de l'invocation, le fait qu'Allah Azza wa Jal te réponde et le fait qu'Allah Azza wa Jal te donne, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme le rapporte Abu Daoud selon Salman al-Farisi radiallahu anhu, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه ليردهما صفرا أي خاليتين. Certes, votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a de la pudeur et est noble. Il a honte de voir son serviteur ou bien de son serviteur dès lors qu'il lève les mains vers lui de les lui rendre vides. Donc lorsque tu lèves tes mains vers Allah et lui demandes, Allah Azza wa Jal ne te les rend jamais vides. Aussi, le imam al-Tirmidhi nous montre dans un hadith que parmi les mérites de dua, il y a le fait d'enlever l'affliction, de la repousser, celle à venir, et de l'ôter pour celle qui est présente. Abu Huraira nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sarrahu ay yastajib Allahu lahu 'inda ash-shada'i 'inda ash-shada'idi wal-karb falyukthir ad-du'a'a fi ar-rakha. Celui qui aimerait qu'Allah lui réponde dans la difficulté et l'affliction, qu'il fasse beaucoup de du'a dans l'aisance. C'est-à-dire d'invoquer Allah azza wa jalla lorsque tu es bien, sera une cause pour qu'il te protège lorsque tu seras mal. Lorsque tu seras mal. Le prophète alayhi salat wa salam nous montre la bonne nouvelle. Que parmi les mérites de dua, le fait de pouvoir être utile à ses parents, même après leur mort. Et si certes dans le hadith, on cite les parents qui sont la base, et ceux envers qui nous devons témoigner la plus grande reconnaissance après le prophète alayhi salatu wassalam parmi les créatures, c'est également valable pour les autres qui sont décédés sur l'islam. Al-Nu'man ibn Bashir, ou plutôt Abu Huraira radiallahu anhu, nous dit, comme le rapporte l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Dès lors que la personne décède, ses actions s'arrêtent, sauf trois. Sauf une aumône qui perdure, comme un puits, un forage, comme des masahif de Coran que tu offres, comme la construction d'une mosquée, ou d'abri pour les gens dans le besoin, comme un waqf de livres et autres. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ensuite: ou une science de laquelle on continue à tirer profit, ou un enfant pieux qui invoque pour vous, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc parmi les grands mérites de dua, c'est qu'on peut être bénéfique et utile même après la mort des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Dans l'invocation, se réunissent les états du cœur qu'Allah Azzawajal aime et agrée. L'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la crainte d'Allah, la soumission, l'humiliation, la vénération, le dhikr, la certitude et beaucoup d'autres servitudes qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les mérites de dua, le pardon pour les fautes et l'expiation des péchés. L'imam al-Tirmidhi nous mentionne le hadith de Anas ibn Malik. J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yabna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. » Ô fils de Adam, tant que tu m'invoqueras et espéreras en moi, je te pardonnerai, quelles que soient tes fautes, sans y prêter attention. Ô fils de Adam, si tes péchés atteignaient le ciel, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai, sans prêter attention à tes fautes. Donc, ad-du'a est une cause d'expiation des fautes. Sans y prêter attention, voilà, ubali, c'est-à-dire à leur multitude, à leur caractère très nombreux. Parmi les grands mérites de dua, c'est que ça fait partie des causes pour repousser le mal. En effet, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi selon Salman al-Farisi, لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. Rien ne repousse le décret si ce n'est l'invocation, et rien n'augmente la vie si ce n'est la bienfaisance. C'est-à-dire que en faisant dua, Allah fait que tu, Allah te décrète de faire dua, et avec cette dua là, Allah repousse un mal qui a, yani un mal futur. Donc, on repousse un décret avec un autre décret. On repousse un décret avec un autre décret. L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, nous dit de ce hadith, c'est la preuve qu'avec cette dua, Allah Azza wa Jal repousse ce qui avait été écrit. Des savants expliquaient en disant, mais cette dua que le serviteur fait également partie du décret et de ce qui a été écrit. Donc on repousse ce qui a été écrit par ce qui a été écrit. D'autres ont expliqué en disant, on décrète une chose, mais on la rattache au dua du serviteur. On dit que sans dua, il arrivera telle chose au serviteur. Mais il va faire dua et ça va repousser cette chose. Non. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs par cette dua. Oulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Des créatures adoraient d'autres créatures en les invoquant en dehors d'Allah Azza wa Jal. Puis ce groupe de djinns est entré en islam et eux se sont concentrés sur l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a a comme mérite le fait d'obéir à Allah et de se soumettre à son ordre. Dans Surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc lorsque tu invoques Allah, tu es obéissant à ton Seigneur. Et tu gagnes qu'Allah t'exauce, qu'Allah te réponde. Quant à ceux qui n'invoquent pas, ce sont les orgueilleux. et leur destination sera, comme mentionné ici, l'enfer, avec humiliation. Avec humiliation. Parmi les mérites de l'invocation, la préservation de l'incapacité. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas dua est réellement l'incapable. Ainsi, en faisant dua, tu sors de cette incapacité, de cette faiblesse. En effet, l'imam al-Tirmidhi, ou plutôt Ibn Hibban, rahimahullah, nous mentionne le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ. Le plus faible, le plus incapable parmi les gens est celui qui est incapable de faire dua. Celui qui n'a pas pu faire dua. Et le plus avare, le plus radin parmi les gens est celui qui a été avare de passer le salam. Parmi les grands mérites de dua, le fait d'avoir toujours Allah avec soi. En effet, dans lequel l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. Allah dit, je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'invoque. Allah t'exauce. Allah est avec toi en t'exauçant. Allah est avec toi en te protégeant, en te défendant, en t'aidant, en te préservant. C'est ce qu'on appelle al-ma'iyatul khassa. En plus de te voir, de te surveiller, il t'accorde ses faveurs. Parmi les points les plus importants dans le dua, après avoir compris que c'était une adoration, après avoir compris l'importance et la grande valeur de dua, puis les très nombreux mérites et fruits de dua, il te faut maintenant savoir comment est-ce que j'entre chez Allah? Comment est-ce que je lui demande? Quels sont les comportements et les bienséances à adopter pour se voir exaucé d'Allah tabaraka wa ta'ala, le tout miséricordieux? Et c'est ce que nous étudions, c'est ce que nous étudierons incha'Allah ta'ala demain à 18h30. والله أعلم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقة وتلاوة القرآن وتلاوة القرآن اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم وأنت علام الغيوب اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين